y'a pas que des problèmes. Mais quand même, y'a quand même des problèmes. Tu te sens super emmerdé. Mais peut-être en fait que c'était obligé. Enfin bref, quand t'as des problèmes, tu sais bien que personne n'a les mêmes. Tu es seul et bien embêté. La vie c'est trop dur et c'est trop compliqué. On pourra dire, tu sais pas toi. Moi j'ai que c'est la loi du rock'n'roll. Les parents de Will, c'est les parents morts qui meurent. C'est la loi du rock'n'roll. Le groupe alliage qui se sépare. C'est la loi du rock'n'roll. La loi du rock'n'roll. La loi du rock'n'roll. La loi du rock'n'roll. La loi du rock'n'roll. Rock, rock, vive le rock and roll. Rock, rock, vive le rock and roll. Solo. Qui ont pas de kebab, c'est la faute à la loi du rock'n'roll. Le club Dorothée qui explose en vol, c'est ça la loi du rock'n'roll. Rock, rock, vive le rock'n'roll. Rock, rock, vive le rock'n'roll. Las Kevin McAllister à la patrie. Wow. Vive le rock and roll, rock, rock, vive le rock and roll, rock, rock, vive le rock and roll, rock, rock, vive le rock and roll, rock, rock, rock, rock, rock and roll, rock, rock, rock, rock, rock and roll, rock, rock, rock, rock, rock and roll, rock, rock, rock, vive le rock and roll et toutes les autres danses. Ça.